Et Hall, dans le Nouveau Monde, un rat avait mordu Mila à la poitrine, au cœur. Scalpel ? Quoi ? Un truc qui coupe, quoi ? Un scalpel ? Putain, vous les écureuils, vous avez jamais vu Urgence ? Mais non, on est contre la technologie des humains. Mais allez, Dr Benton, on va lui faire un IRM, puis un DRH, pour finir avec un pontage coronarien des OVR. Je comprends rien ! Un truc qui coupe, donne-moi un truc qui coupe ! Et des bouts de mousse, hein, pour faire qu'on presse vite ! Vite ! Oui, oui ! L'écureuil sortit de l'arbre dans lequel on opérait Mila. Vous et moi attendions sur une branche. Quelques mètres plus bas, les habitants des halls continuaient à vivre comme si de rien n'était. S'il ne la sauve pas... Bender a beau être bizarre, je sais pas si toutes les chauves-souris sont comme lui. Mais j'ai confiance, Quick. Crois-moi, sans lui, je n'aurais pas survécu dans ce nouveau monde. C'est lui qui, depuis le début, m'a protégé. Ouais. Et il vient du même laboratoire que les rats. Il connaît plein de trucs en médecine, je suis sûr. Vraiment, j'ai tourné la tête vers Booz, j'étais assis. Les jambes pendant dans le vide, Booz se tenait debout à quelques pas derrière moi. Et ça va suffire à la sauver, Booz, tu crois ? Il a souri, mal à l'aise. Je retrouve un ami pour peut-être... Pardon, Mila. Et moi ? Vous êtes les seuls liens que j'ai encore avec le monde des Bifouish Quick. Booz, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez nous. Les heures passèrent, et Bender sortit de l'arbre, les ailes tachetées de sang. Je me suis levé d'un bond. Alors ? Elle est trop tôt pour le dire, Squeak. Elle est dans un état critique. Elle va s'en sortir quand même ? Moi, la médecine, ce que j'en sais, c'est juste ce que j'ai vu dans l'urgence, et un peu de ce que j'ai vu dans le labo aussi. J'en étais sûr. Vous auriez dû nous écouter. César apparut sur la branche. Le vieil écureuil tremblait des pattes avant. À ses côtés, Voltaire, le représentant des oiseaux au conseil des Halls. Bender est certain être affectueux. C'est un fou ici du laboratoire des humains. Mais un fou ? Un taré ? Mais allez tous vous faire... Pardon, je m'en reporte. Désolé, pardon, messieurs. Bender se confondait en courbette. Un fou. Ouais, n'empêche que lui, il sait ce que c'est que la maladie des rats. Alors que vous, hein, j'en suis pas sûr. Le laboratoire des humains, tout vient de là, hein. Ouais, moi j'ai juste empêché la maladie de s'étendre dans le corps de votre ami. Ce que j'ai pas pu faire pour vous. Pour lui, j'ai juste réussi à empêcher la maladie de le tuer. Ce laboratoire est une malédiction. Une fois votre amie guérie, ou une fois morte... J'ai serré les poings. Derrière moi, Booz faisait de même, je crois. Vous devrez repartir. Nous allons organiser notre défense. Les rats risquent de se faire plus présents maintenant qu'ils vous ont trouvé. Eratis va tout raser. Il va tous vous tuer. Oh, c'est beaucoup dit. Vous le connaissez, n'est-ce pas, César ? Vous, comme vous connaissiez le laboratoire, vous nous avez jugés, Mila et moi, pour vous avoir amené les rats. Mais si on y réfléchit bien, tout ça, c'est de votre faute. Pardon ? Quelle insolence ! Oh, ça va parler dans le coin. Vous connaissiez l'existence du laboratoire, vous savez ce qui s'y est passé. Et vous n'avez jamais agi, par peur ou je sais pas quoi d'autre, mais vous n'avez jamais rien fait. Et quand les rats se sont enfuis, ils n'ont eu pour seule solution que de creuser des tunnels, de s'enfuir par la terre. Et c'est comme ça qu'ils sont venus dans le monde des Bifouish. Donc finalement, vous êtes aussi responsables que nous. César plissa les yeux. Voltaire paraissait indigné. Mais j'avais raison, j'en étais sûr et certain, j'avais touché juste. Depuis le début, il connaissait plus de choses qu'il ne voulait en dire. Vous nous avez ramené le mal ici. Quoi qu'il en soit, nous sommes les seuls à les avoir déjà battus. Ouais, on les a piégés comme jamais ils ont été piégés. Et alors ? Qu'est-ce que vous voulez, Squeak ? Dites-moi. Sauvez Mila. Ce qui la tue, ce n'est pas seulement la morsure d'un rat, c'est la maladie que porte ce rat. Le laboratoire ? Oh, le petit bafouche, je sais pas quoi il parle, hein ? Laboratoire. Il y a des réponses là-bas. Vous n'y trouverez rien. Bender nous y emmènera. Vous et moi allons dans le laboratoire. Vous n'y trouverez que désolation. Nous y trouverons les réponses que vous nous cachez, César. Nous y trouverons de quoi sauver Mila.